Mon ami, t'es jaloux. Jusqu'à la promesse. T'es jaloux. Mon ami, t'es jaloux. Elle est jaloux, jaloux, jaloux. Jaloux. Tu fais le gros, mais tu fais pas le moi. Mais tu parles des autres parce qu'on parle pas de toi. Mon ami, t'es jaloux. Trop de jaloux, jaloux, jaloux. Jaloux, jaloux, jaloux. Tu fais le gros, mais tu fais pas le moi. Mais tu parles des autres parce qu'on parle pas de toi. Les jaloux, jaloux vont s'épuiser. Les jaloux, jaloux vont s'exciter. Dis-moi où t'es, je fais mal, ça va pas. Tu m'as l'air mal à l'aise face à moi. J'ouvre la table, pourtant c'est banal. Tu continues, toi t'es malade, c'est chaud. Ils parlent de moi, mais non pas mon niveau. Se moque de moi, mais n'arrive pas à ma paire de anneaux. Mon ami, t'es jaloux. Elle est jaloux, jaloux, jalouse. Jalouse. Tu fais le gros, mais tu fais pas le moi. Tu parles des autres parce qu'on parle pas de toi. Mon ami, t'es jaloux. Trop de jaloux, jaloux, jaloux. Jaloux, jaloux, jaloux. Tu fais pas le poids, mais tu parles des autres parce qu'on parle pas de toi. Je repars en U avec ma go, avec mes gosses, avec mes euros. Tu restes en J dans ta jalousie. Y'a que la haisse qui dit te quiero. Mon ami, t'es jaloux. Mon ami, t'es jaloux, ouais. Que Dieu soit loué, tu n'as pas le niveau, vraiment tu fouettes. Te fumer n'est pas une prouesse. Tu Bugatti, tu es brouette. Viens pour les refs croués, toi tu les balances, tu mérites de te faire trouer. Mon ami, t'es jaloux. Elle est jaloux, jaloux, jalouse, jalouse. Tu fais le gros, mais tu fais pas le poids. Mais tu parles des autres parce qu'on parle pas de toi. Mon ami, t'es jaloux. Trop de jaloux, jaloux, jalouse. Jaloux, jaloux, jalouse. Tu fais le gros, mais tu fais pas le poids. Mais tu parles des autres parce qu'on parle pas de toi. Jalousie. Jalousie, oh non, non, non, jalousie. Bon, jusqu'à toi et je disparais. Bon, jusqu'à toi et je disparais. C'est chaud, chaud, chaud pour toi. C'est chaud, chaud, chaud, nana. C'est chaud, chaud, chaud pour toi. C'est chaud, chaud, chaud, nana. C'est chaud, eh. C'est chaud, yeah. Nana, c'est chaud, eh. C'est chaud, yeah. Mon ami, t'es jaloux. Elle est jaloux, jaloux, jaloux.